Pendant les Jeux olympiques, Dolbo Auto est en mode olympique avec des spéciaux dignes de la médaille d'or. Le Silverado, 0% sur 72 mois ou encore le Sierra, 98$ par semaine pendant 48 mois. Dolbo Auto, 1770 boulevard Walberg, Dolbo Mistassini au 418-276-0580. Le propriétaire, M. Stéphane Fortin et toute son équipe souhaitent la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et à Cassandra Bradette pour les Jeux de Pyeongchang. Vous pensez que Canadian Tire, c'est des outils, de la quincaillerie, de la peinture, du saisonnier. Mais nous avons aussi une multitude d'équipements sportifs offerts à très bon prix. Surveillez notre circulaire tous les jeudis pour en savoir davantage. Canadian Tire, commanditaire de l'équipe olympique canadienne. 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini. 418-276-2385 ou canadiantire.ca. Le propriétaire Ken Bennett souhaite la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette aux Jeux olympiques de Pyeongchang. On va parler avec notre collaborateur Stéphane Labeau. Salut Stéphane. Salut Danny. Stéphane, on dit tout le temps que Price, c'est le grand gardien, c'est un des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale. Félix Séguin de TVA Sports a sorti les statistiques et cette année, Price occupe le 26e rang des victoires avec 15, 37e rang pour les moyens accordés, 2,92 et 39e pour le taux d'efficacité à 907. Puis avant sa blessure, il y avait quand il, ça allait vraiment pas bien, 3,77. Et ça va mieux par contre depuis qu'il est revenu. Donc on a 4 victoires, moins de 2,76 et son taux d'efficacité 911. Okay, mais c'est loin d'être des statistiques à standard du contrat qu'il a signé au mois de juillet dernier. Certainement qu'à quelque part, il doit masser le ciel que Marc Bergevin y a offert ça. Si jamais Marc Bergevin y offre pas ça, puis il est joueur autonome, puis il a les mêmes statistiques, c'est une catastrophe pour lui. Bien, écoute, de toute évidence, on a misé gros sur Carey Price depuis son arrivée. Ça a toujours été le joueur, le gardien de but qu'on a privilégié. On se souvient qu'on s'est départi de Halak, de Cristobal Huet, parce qu'on croyait vraiment que Carey Price était pour emmener le Canadien là vers des hautes performances. Oui, il a connu sa part de succès, il a gagné le trophée Vézina, le trophée Hart, mais somme toute, Canadiens, c'est pas grâce à Carey Price qu'ils ont gagné de Coupe Stanley ou ils ont été très loin en série éliminatoire. Carey Price surfe sur une vague depuis qu'il a gagné sur le plan international avec l'équipe Canada hommes et juniors. Et il s'est bâti une réputation avec ça. De toute évidence, on en discute souvent, moi, toi et moi, Danny, Carey Price. Moi, je l'estime, c'est un gardien de but de qualité. Parmi les meilleurs de la Ligue, ça me fait toujours sourire quand on est vite sur la gâchette en le déclarant le meilleur gardien au monde. Ben, écoute. Ça serait temps qu'il prouve. Et cette année, il faut le dire, c'est une année difficile pour Carey Price. Mm. Plusieurs aspects, possiblement. Son équipe devant lui est ordinaire. Il faut le mentionner. C'est sûr que la défensive l'est pas. C'est sûr que la défensive... Il ne faut pas carrément blâmer Carey Price pour les déboires du Canadien. Mais il a déjà mieux performé avec des équipes également pas très fortes devant lui. Il faisait la différence. Mm. Il a faussé les données pendant des années. Une équipe que le Canadien peut-être n'avait pas... une équipe assez solide pour participer aux séries éliminatoires. Le bon travail de Carey Price permettait aux Canadiens de se faufiler en série. Par la suite, on voyait bien qu'en série, c'était insuffisant. Mm. Mais cette année, vraiment, Carey Price, il a bien choisi son moment pour signer son nouveau contrat. Parce qu'après une année comme celle-ci, ça aurait été possiblement beaucoup plus difficile pour lui d'obtenir là, ce qu'il a obtenu. Puis tu sais, je blâme pas Bergevin. Moi, j'aime pas ça blâmer les gens quand que... Les gens après, tu sais, comme les gens parlent de Drouin contre Sergachev, j'étais pour l'échange. Je trouvais qu'il fallait donner de quoi, mais il fallait donner de quoi pour avoir de quoi. J'étais pour l'échange de Subban aussi, mais tu sais, c'est facile après voir les résultats puis blâmer, mais puis Price à quelque part, je dis ça, mais tu sais, Bergevin avait-tu choix? Bergevin avait pas vraiment le choix, tu sais, on revient tout le temps à ça là. Ben c'est une question de philosophie, ok? Ouais. Et je m'explique. On venait d'échanger Piqué Subban. Ouais. Le Canadien allait mal. Donc, le visage du Canadien, c'est qui depuis plusieurs années? Bon, c'était un petit peu Piqué Subban, mais on s'en est débarrassé. Maintenant, c'était Carey Price. Est-ce qu'on pouvait se permettre d'échanger Subban puis Price d'un à l'autre aussi rapidement? C'était pas peut-être le geste à faire. Par contre, lorsqu'on concède autant d'argent à un unique individu, un gardien de but d'autant plus, ça fait en sorte que il en reste beaucoup moins pour bâtir une équipe solide devant lui. Mais moi, je pense que la logique derrière ça, c'était, bon, on signe Carey Price, qui est un petit peu la vedette du Canadien et le visage du tricolore. Parce que Carey Price, s'il performe à la hauteur de Carey Price, avec une équipe ordinaire, on a des chances quand même de faire les séries éliminatoires. Pas d'aspirer à la Coupe Stanley. Mais au moins, on fait les séries. Et à Montréal, on achète un petit peu la paix en faisant les séries éliminatoires. Donc, c'était la logique. On fait les éliminatoires, on fait 2-3 matchs, on va chercher 7-8 millions de revenus dans ces séries-là. Si on va plus loin en série, tant mieux. Donc, on couvre quasiment le salaire de Carey Price. Mais on le voit bien cette année, le casse-tête de Marc Bergevin, plusieurs pièces, et même un Carey Price en pleine santé ou qui va voler des matchs, ben oui, ils vont peut-être faire les séries éliminatoires. Mais si on parle de prétendre à la Coupe Stanley, ben là, il faut repasser. Parce qu'ils sont trop à des années-lumière d'une telle situation actuellement. NT Niemi, on va parler de l'autre gardien de but. Penses-tu que le Canadien est capable d'aller chercher un choix de troisième ronde pour? Parce que de toute évidence, il va être échangé. T'sais, Charlie Lindgren a signé un contrat à One Way, donc en un sens. Donc... Niemi a gagné la Coupe Stanley, il semble avoir trouvé ses repères. Il n'y a pas de gardien de but dans la Ligue nationale beaucoup, de manque de profondeur. Un gardien de but qui a gagné la Coupe et qui semble qu'il garde bien les buts. Tu sais, c'est fragile. Il a pris de la valeur. Oui, il a pris de la valeur dernièrement, de toute évidence. Ses performances sont quand même très respectables, mais suffisant pour aller chercher un choix de troisième ronde. Il faudrait vraiment qu'une organisation soit mal prise. Parce que oui, il est bon, mais est-ce qu'il peut vraiment faire la différence? Admettons que le numéro 1 de l'équipe qui vient de le chercher se blesse gravement. Est-ce que NT Niemi, malgré son expérience, je pense qu'il est passé date un petit peu. Donc, ça prendrait une organisation qui est prête à risquer grandement. Si on obtient un choix de troisième ronde pour Niemi, ben tant mieux. Mais en autant que ce soit pas Trevor Timmons qui le rappelle. Ben, Stéphane, c'est parce que les Canadiens ont eu un choix continuel de quatrième ronde pour Montoya. S'ils gardent tant de matchs avec les Oilers, les Canadiens obtiennent un choix de quatrième ronde. Niemi a plus d'expérience, une meilleure carrière. C'est pour ça que je dis peut-être un choix de trois. C'est peut-être possible. Oui, mais Niemi, là, il y a un petit moment de bonne performance, mais son... On se souvient, là, en début d'année, il y avait... Non, c'était lamentable, deux fois. Fait que ça, oui, exactement. Quel est le vrai Niemi? Est-ce que c'est le gardien de but actuellement ou c'est celui des deux dernières années? C'est un petit peu un risque. Mm. Pour ça, je dis, si une organisation veut risquer un troisième choix pour lui, ben tant mieux pour le Canadien, puis il faudrait le prendre absolument. Oui, effectivement. Hey, je veux te parler d'une sortie qu'après après les Olympiques, je veux l'appeler. Stéphane Leroux de RDS a fait une sortie lundi sur les Québécois dans l'organisation du Canadien, puis particulièrement les Rockets de Laval. Puis il dit, moi, je comprends pas qu'il n'y a pas plus de Québécois avec les Rockets de Laval. Je parle du troisième, quatrième trio, défenseur, tu sais... pour des Yannick Gourde, des affaires de même, aurait pas fallu que ça passe à Montréal du Canadien. Je peux pas être en désaccord contre Stéphane. T'sais, que le club est à Laval maintenant et puis à Saint-Jean. Tant qu'à avoir un joueur de 30 ans qui joue comme premier défenseur, comme Tony Khan, tout simplement avoir des Québécois, t'sais, qui sont pas des joueurs d'avenir là pour la Ligue nationale. T'es d'accord? Plus d'Éric Gélina, plus de... Oui, le marché québécois, bon, aujourd'hui, là, pour avoir du succès dans la Ligue nationale, ça prend un recrutement global mondial. Ouais. Donc, il ne faut pas se limiter seulement de repêcher des joueurs dans notre cour. Par contre, lorsqu'on est dans notre cour et qu'on a, en principe, une société de hockey où plusieurs joueurs de hockey vont réussir à atteindre les hauts niveaux, même s'il y a une baisse notoire des Québécois performants dans la Ligue nationale ou qui sont repêchés, on n'en doit pas moins qu'il y a des excellents joueurs de hockey québécois. Et si on est capable d'en chercher quelques-uns au travers du filet de ceux qui ne sont pas repêchés, que tu as mentionné Yannick Gourde et d'autres, Marchessault, tous ces joueurs-là. Oui, ben, Darryl Goulet. C'est un plus pour l'organisation. Mais pour ça, il faut avoir une vision. Moi, j'ai souvent dit, si j'étais dans l'organisation du Canadien, j'aurais des personnes dans les arénas à partir de l'âge Pee Wee. Je regarderais l'évolution de ces joueurs-là pour s'assurer là, qu'on récupère tout ce qu'on peut récupérer. Ouais. C'est Serge Boisvert, je pense, qui est vraiment... Puis il y en a deux. Il y a Serge Boisvert et il y en a un autre qui couvre le Québec. Mais est-ce qu'ils ont vraiment l'influence? Tu sais, est-ce qu'ils sont vraiment écoutés par Trevor Timmons? Par Trevor Timmons. Et l'autre est Donald Audet. Donald Audet, oui, c'est vrai. Les deux couvrent le Québec, mais on sait là qu'il y a seulement 7 rondes au repêchage. Donc, c'est pas beaucoup. Parfois, le Canadien n'a même pas 7 choix parce qu'on en échange. Donc, c'est un nombre limité, mais c'est tous ceux qui passent à côté du repêchage et il y en a beaucoup. Et c'est là qu'il faut leur donner, bien les évaluer, puis de les récupérer le plus rapidement possible. Mais l'autre chose aussi, peut-être que le Canadien fait beaucoup de démarches, mais peut-être que les joueurs québécois, parfois, peuvent être intéressés d'aller ailleurs. Et ceux que tu l'as mentionné, ont beaucoup passé par l'organisation du Lightning de Tampa. Ouais, Julien Brisebois. Beaucoup Julien Brisebois. Exactement. Lui, un Québécois, a fait un travail dans la province de Québec et on voit bien là, que ça lui a porté fruit. Effectivement. Hey, Stéphane, on ne s'en parlera pas avant d'être limité des échanges. Ça veut-tu que Marc Bergevin va bouger beaucoup? Moi, je m'attends à 3-4 échanges. Je m'attends à Pacioretty, même si tout le monde dit que c'est pas le temps, je pense. Et moi, je pense que Pacioretty va partir. Andrew Shaw. Peut-être également un gars comme Plekanec, ça c'est certain. Et peut-être d'un Jordy Benn ou Wentin Niemi. Ça, tu t'attends à peu près? C'est des noms très plausibles. Moi, le seul bémol, c'est Max Pacioretty. À moins qu'il obtienne vraiment beaucoup pour lui, il va le laisser partir. Sinon, il va peut-être être patient. Pour le reste, je pense que ça serait le temps là, de laisser partir ces joueurs-là, récupérer quelques joueurs. Quelques choix. Des choix repêchants. Des choix. Ouais. Ben, un ou l'autre. Par contre, on n'a rien ou on n'a pas grand-chose de Laval qui peut venir combler ces départs-là temporairement. Bon, est-ce qu'on peut voir Yulson plus souvent, donner plus de responsabilités à Sherbach, vraiment donner une chance à McCarron, mais selon moi, là, ce ne sera pas des joueurs qui vont nécessairement devenir des joueurs importants pour le Canadien de Montréal. Non, mais... C'est un petit peu ça le casse-tête. Faut que moi... C'est ce que tu disais, moi, je suis 100% d'accord. Ah, ben, je sais ton opinion, on en avait déjà parlé. Je vais d'avoir un flash, mais je vais te la demander pareil. Les gens disent, et j'en suis un, moi, tant qu'à perdre, tant qu'à pas faire les séries, away dans le cave. Moi, j'en suis un même. J'espère que ce soir, on va perdre encore. Pas parce qu'on veut qu'on perde, mais tu sais, tant qu'à perdre, t'es aussi bien de te manger pour avoir un bon choix. Ben, change des fois pas les séries pareil. T'abords-tu dans le même sens? C'est la mode depuis plusieurs années, on le voit, sans dire que les équipes ou les joueurs vont faire exprès pour perdre ou les entraîneurs, ben on va moins presser le citron, on va jouer. La chance aux jeunes. Exactement. Faut faire attention pour nos partisans, si on fait ça, mais en même temps, il faut que les partisans aient une forme de compréhension. Et ceci étant dit, c'est pas parce que tu repêches dans les trois premiers que nécessairement que tu refais ta formation très rapidement non plus. Là. On voit bien encore cette année avec Edmonton. Ouais. Même avec un Connor McDavid, présentement, il patauge dans les fonds de la Ligue. Mais on se donne au moins des chances. Et puis bon, je suis pas contre ça non plus, mais faut le faire de la bonne façon. Et la bonne façon, ce serait d'avoir des bons jeunes de Laval qui justement grimpe et qui nous donne un petit peu d'espoir. Mais là, c'est pas le cas. On n'a pas assez. Il n'y a pas assez d'espoir chez le Canadien. Donc, ça sera encore du rafistolage de la part de Marc Bergevin qui va être important pour donner un petit peu là, une crédibilité éventuelle au Canadien. Quand tu parles de recrutement et de développement, puis on en parle tout le temps, puis moi, c'est ça qui fait des fois Montréal. As-tu vu l'article de la semaine passée, Greg Patron, qui est à Dallas, qui joue dans le top 4 avec les Stars de Dallas? À Montréal, on l'a pas vraiment testé. Puis, tu sais, un gros défenseur de 6 pieds 4, 6 pieds 5, ça, c'est long, ça prend longtemps c'est à développer. Et donc, tout ça pour te dire, je t'emmène dans le cas de Michael McCarron. On dit que McCarron, au centre, c'est très lent. C'est un gars qui est très, très lent. Pourquoi pas le mettre à l'aile tant qu'à ça? Ben, c'est un bon point. Puis ça, honnêtement, j'ai été 2 ans là-bas à Hamilton. Et puis bon, les décisions viennent d'en haut. Ouais. Parfois, là, il y a un peu peut-être une marge de manœuvre pour les entraîneurs dans la ligne américaine. Mais souvent, les ordres viennent d'en haut. Et c'est l'entraîneur doit les exécuter. Mais tout à fait, lorsque ça fonctionne pas, tu essaies une autre alternative. Et puis évidemment, ça serait peut-être intéressant de le voir à l'aile droite, voir comment il pourrait être plus efficace dans son jeu. OK, effectivement. Stéphane, on se reparle dans une couple de semaines. Ben, merci, Danny. Collaborateur hockey, Stéphane Deveau.